la lame, le chant des fusils. L'air est malsain, c'est une époque à damner à saint. Comme un usi crache, la mort j'accuse, arrache la muselière cache. Je mâche plus mes mots, je lâche des bombes à chaque fois. Sache que l'heure est proche, la mer tire tes proches avant le clash. Je rassemblant, rime taille dans la roche à dash. De l'importance au sens dans mes textes, cause causer misère en prose, puis exploser pour la bonne cause. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre. La PJ censure un rap moins violent. Choisis mes guerres, entache mon business. Tu caches la vérité, les coups sont mérités. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Faire opposition, ça me connaît, moi je me connais. En me faisant de la monnaie, donner puis recevoir au bonheur. Abonné, je boxe avec les mots. Je vis aussi chaud, j'ai sur le dos avant des paroles. Les formules et haute politesse, nous on s'en fout. Si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. J'évite le non-sens comme un virus, ouais. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, ouais. Les graves et le veto. Les jeunes se mettent au rap très tôt. Ils frappent la résistance et préto. Micro de PMC à Médo. Les barreaux de prison, ils t'enferment l'expression orale. Du clam oral, le rap est sous pression, grand inoral. De pression de la gâchette, ici où le viscère. Mon album s'achète comme un douze bien viscère. Serre-moi la poigne, les mots des frères je soigne. Mes mots en témoignent, si l'enfer est pas fait de bonnes intentions. Que le corps s'éloigne encore. Un autre prétexte, un texte violent. Mais voilà, c'est pas du violon. Faire les rimes à la mort, moi insolent. Mon solo rap shoot, crée le doute. Leg, moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, ouais. Arsenic c'est pas une black wingle. Kiffe le single, laisse la dance au drag. Je pense avec les mots, je pense avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, ouais. Le poison pour la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Le poison arsenic dans le cœur, ta part. Je pense avec les mots, je pense avec les mots. Les beats, mes vers sur le beat, le poison pour la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Le poison arsenic dans le cœur, ta part. Un beat, une grosse basse, faut que je me place hausse. La voix pour mes sauces, passe-moi ouais. Les bastos. Faut qu'on les blesse tous, les pose dans la fausse fesse. Les fausses faces laissent une trace dans ce nez. Puis en caisse, en face mes gants masques, flirte avec le meurtre ouais. Ta sensibilité heurtée, ouais. C'est ton sang qui tache mon t-shirt. Elle, ouais. Hyène hostile, boum boum. Finance tes anges, sec, zoom sur ma clique. Mes cartes au mon sauce sec. XXX large, me fixe et charge ouais. Je me garde de mes amis, ouais. Mes ennemis, je m'en charge. Une charge, explosive, bagerie, pousse au crime, au carnage dur. Car c'est dans la merde que mes lascaros chez carnage. Tueur de clown, cyclone, rap, chasseur de clones ouais. Et parano, ouais. Vous savez qu'un beau Tony Serrano, le capota, frappe au micro, brûle pas les états faussaires comme l'engin dans mon holster. Ouais. Tu peux laisser ta peau, force avec les mots, je force avec les mots, avec les mots, débite mes vers sur le beat, le poison pour la flow, la flow, mon flow fait swinguer la foule, le poison arsenic dans l'air, dans ta force avec les mots, je force avec les mots, je force avec les mots, avec les mots, débite mes vers sur le beat, le poison pour la flow, la flow, mon flow fait swinguer la foule, le poison arsenic dans l'air, dans ta force avec les mots, avec les mots, avec je pense avec les mots, avec les mots, les bits, les vers sur le beat, le poison, poison, flow, la flow, la flow, mon flow fait swinguer la foule, en toi nous rachetons dans l'air, dans ta part, avec les mots, je pense avec les mots, avec je pense avec les mots, avec les mots, les bits, les vers sur le beat, le poison, poison, flow, la flow, la flow, mon flow fait swinguer la foule, en toi nous rachetons dans l'air, dans ta part, avec les mots, je pense avec les mots, je pense avec les mots, avec les mots, avec les mots, je pense avec les mots, avec les mots, avec les mots, avec les mots, avec les mots, avec les mots, avec les mots. Skyrock Classics avec Maxime. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor. touch the sky. Can't stop, cause we're so high. Let's do this one more time. C'est Skyrock, rap R&B non-stop en mode classique tous les dimanches soirs, 18h, 20h, 2h de son avec les titres qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. Nicki Minaj, Starship, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Il y a une grosse soirée qui se prépare avec attention à partir de 20h. Ce sera le Hit US, les 10 titres rap R&B qui marchent le plus fort cette semaine aux États-Unis. On va découvrir le classement, le nouveau avec Steph à partir de 20h. C'est dans même pas 25 minutes sur Skyrock. À partir de 21h, la plus grande radio libre de France avec Diffoul et toute l'équipe, les meilleurs moments, mixé par Vincent. Et à partir de minuit, comme chaque dimanche, c'est Fred et DJ KS pour High Supreme. Une émission avec 2 heures de son orientaux mixé par DJ Kez avec Fred pour animer l'émission sur Skyrock. Expression directe, bientôt un concert Sky, c'est l'âge d'or du rap français, le nom de la tournée. Les infos sur skyrock.fm, vous pouvez même prendre vos places. Expression directe et Timbaland 50 Cent, Apologize juste après. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang en effet, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le monde, pas point de teint. Débarquement de Mantes, jolie en provenance du Val Fouré. Quiconque me dit qu'on vient de Paris, je m'occupe de lui et de sa Romée. À 60 km à l'ouest de la capitale, je prépare une attaque bestiale emmenée par les crèves, la dalle, pédale, pédale. Expression directe s'installe, l'invasion est brutale, mon action directement radicale. Voici les conséquences 1 de ta non-assistance à personne dangereuse. Je te pète comme une donneuse, ne fais pas la suceuse, allumeuse, dégage voir tes pisseuses. Si tu veux ma tête, cœur tra, expression directe, retourne pas ta veste, désormais c'est moi qui te pète. C'est moi qui te pète. À l'heure du clash, je pénètre comme un schlasse dans la chair. La chasse est ouverte, on te perd dans mon temps de guerre. Dans ma localité, perle des banalités. La brutalité, explication de la survie par rapport aux autres. Sans prétention, carrément différent des quartiers unifiés pour tout baiser. Toi qui as parlé, t'es pas oublié, je vais te caler. Tu te fais planer, je voulais trop brûler avec ton cabriolet. Regarde maintenant la brûlée, demande de l'aide, tu peux hurler. T'es pas un mec d'ici, donc va te faire enculer. Te termine comme la famine que tu es. Quoi, tu traînes encore ici, c'est donné un putain de délai. Tu balais te mets. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sort en effet, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Mais c'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sort en effet, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, faut prendre le train. Si tu sais pas comment faire, comment faire, comment faire pour faire taire, il faudra nous tuer tous. Je représente pour mes frères si tu préfères. Faire la meuf, mêlée de mes affaires. Casse-toi, prends tes affaires ou reste là, on va te la faire, on te la mise. Pas de remise, authentique et mon bis. C'est pour ça que j'exige que tu gises. Mort, crapule, on te la mise. Pas de remise, authentique et mon bis. C'est pour ça que j'exige que tu gises. Mort, crapule, au plus. Capiche, peu importe si tu t'en fiches. Pendant que tu fais le marqueur, la caille, nous on nous fiche. À croire qu'un jour aux petites biches, on va venir chez moi. Sortir de chez moi, prisonnier politique, me loquer, on m'affiche. J'ai comme la pression, l'expression a mis la pression façon. La juste transforme d'une succession de peines et de tensions. Une association plédien, d'ex-plédia, de vulgardien de chacun dans l'immédiat. Même face aux médias, on mène la guérilla. Fais ton Ave Maria, car chez tout comme la Seria. Continue ton cirque de bête. Toi et tes deux poètes, tous bidons à souhait. Bat comment Woody le nec, Subaru fait. L'intelligence du noir aux yeux bleus sans faire d'excès. Vite fait, toi-même tu sais qui te chlassait quand tu y passais dans tes douveurés. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang renivré, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, faut prendre le temps des seins. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang renivré, tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là de l'ambiance, c'est pas le bout du monde, faut prendre le temps des seins. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. C'est dans ton esprit que je crache mon. J'ai un moyen d'expression directe, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, et seul mingle, qu'elle est tête, elle est un moyen d'expression directe, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, et seul mingle, qu'elle est tête, elle est un moyen d'expression directe, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, et seul mingle, qu'elle est tête, un moyen d'expression directe, alors est-ce correct? Le son qu'elle roule, moi, respecte, et seul mingle, qu'elle est tête, elle est un moyen d'expression directe. Écoute Skyrock Classics. Get 50 cents. Simple thing, man. Goddamn.

sortir, tout le monde cherche sa voix. Un regard, l'amour rentre dans ta vie sans le savoir. Ce monde a trois mensonges, on cache les apparences. Un calvaire du caviar, ça commence par une romance. Triompher, regretter, pas tant de souffler que ça recommence. À chaque jour suffit sa peine, on sera tous rois avec la patience. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Pas même nos souffrances. À chaque jour suffit sa tu peine. Tu vas tomber, te relever, jamais reculer. L'essentiel c'est que t'avances. À chaque jour suffit sa peine. Rose, dédicace, tout passe. Seuls les murs restent en place. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa haine. On trouve pas le bonheur dans l'oseille. À chaque jour suffit sa peine. Suffit sa peine, avancer, tomber, se relever. À chaque jour suffit sa peine, un de cesse, un de cesse. À chaque jour suffit sa peine. Skyrock classique, classique, 18h-20h. Yeah. Oh yeah. This goes out so to all the families that went through the struggle. In the past, flashbacks when I was young. Whoever thought I'd have a baby girl and three sons? But going through this difficult stage, I found it hard to believe. While my old earth had so many seeds, but she's her own woman. And due to me, I respect that. I saw life for what it's really worth and took a step back. Family ain't family no more. We used to play ball, eggs after school, eat grits cause we was poor. Grab the flies, bought a channel, fixed the hanger on the TV. Rocking each other's pants to school wasn't easy. We survived winters, snotty nose with no coats. We kept it real, but the older brother still had jokes. Sadly, daddy left me at the age of 6. I didn't know nothing but mommy neatly packed the sweets. She cried and grandma held the family down. I guess mommy wasn't strong enough, she just went down. Check it, 15 of us in a 3-bedroom apartment. Roaches everywhere, cousins and aunts was there. 4 on the bed, 2 at the foot, 2 at the head. I didn't like to sleep with John. Johnny beat the bed. 7 o'clock, fucking roaches out the cereal box. She shared the same spoon, watched a Saturday cartoon. Sugar water was a thing. Every meal was no frill. In the summer, free lunch held us down like steel. And there were days I had to go to Texas with a note stating, Gloria, can I borrow some food? I'm dead broke. So embarrassing, I couldn't stand a knock in they door. My friends might be laughing, I spent stamps in stores. Mommy wears a toilet paper, use the newspaper. Look, Miss Rose gave us a couch, she's the neighbor, things was deep. My whole youth was sharper than cleats. Two brothers with muscular dystrophy killed me, but I remember this. Mom's a lick of fingertips to wipe the coal out my eye before school with a spit. Caseworker had her running back to face to face. I bought a case house and tried to throw us out of our place. Sometimes I look up at the stars and analyze the sky and ask myself, was I meant to be here? Why? Dimanche, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. Yo, what's up, y'all? This is Jeremiah, and you are now tuned in to Skyrock. Right here, right now. Exclusive. Skyrock.

said you got me. La douceur de Skyrock Classics tous les dimanches entre 18h et 20h avec Lauryn Hill des Fugees à l'instant. X Factor sur Skyrock, il est 20h05, un petit peu à la bourre, mais les États-Unis sont là. C'est Stéphane qui les représente ce soir. Exact, on est parti pour le 8 US comme tous les dimanches soirs, Maxime. Bah, juste après Skyrock Classics, avant de retrouver la spéciale de la radio libre de Difool. C'est à l'heure à partir de 21h. Exactement, il y a un gros programme ce soir, il y a Rêve Suprême aussi à partir de minuit sur Skyrock. Eh ouais, à pas louper. C'est parti. Allez, c'est dur. Allez, on y va. 14h à New York, 11h à Los Angeles.